الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Nous sommes arrivés au deuxième axe, n'est-ce pas? L'épreuve. Alors, les preuves sont le Coran, la Sunna, le consensus, l'ijma', et le qiyas, le raisonnement analogique, le raisonnement par analogie. Et ces preuves-là sont les preuves qui font l'accord entre les savants. Il y a d'autres preuves qui font l'objet de différends entre les savants. Nous en avons cité quelques-uns, l'istihsan, l'appréciation subjective. Nous avons cité aussi l'avis du compagnon. Quand est-ce que sa parole est considérée comme un argument d'autorité? Et nous avons aussi, je crois qu'on va parler là aujourd'hui de Shara Man Kablana, de législation des communautés précédentes, comme autre preuve qui fait l'objet de différends entre les savants. Législation des communautés précédentes, c'est quoi? C'est comme par exemple les communautés précédentes, les juifs, les chrétiens et les autres communautés. Comme exemple, l'histoire de la génisse, de la Baqara, dans la sourate al-Baqara, l'histoire de la vache, quand le prophète Moussa alayhi salam a dit à son peuple, Allah vous ordonne de sacrifier une génisse. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. L'histoire de les circonstances de ce verset, c'était que deux tribus des Banu Israël, des fils d'Israël, faillirent en venir aux armes à cause d'un homme qui fut tué. Chaque tribu a jeté la responsabilité sur l'autre. Un homme a été tué, puis il a été traîné la nuit vers une autre tribu. Et là, il y a eu un conflit entre deux tribus, et là, la Moussa alayhi salam, Allah lui révéla de leur demander de sacrifier une vache, de sacrifier une génisse, et de frapper le cadavre avec un membre de cette génisse. فَقُلْنَا ضْرِبُوهُ بِبَعْدِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ. Hein? Il a frappé le cadavre avec une partie, un membre de la génisse, et l'homme revint à la vie, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. Ainsi Allah fait revivre les morts et vous montre ses signes afin que vous méditiez. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Donc l'homme revint à la vie et dit, voilà celui qui m'a tué. Il a désigné celui qui l'a tué, puis il est mort à nouveau. D'accord? Les Ossouli, ils se basent sur cette histoire pour dire si une victime d'un meurtre, pendant qu'elle agonisait, désigne son meurtrier, est-ce que ses propos font foi? Est-ce que le juge doit prendre en considération les propos de la victime? C'est-à-dire, pendant qu'elle agonisait, il dit, un tel m'a tué. Est-ce que ça fait foi et que le juge peut sanctionner en vertu en fonction de ce qu'a dit la victime, il peut sanctionner le meurtrier. Donc, sur la base que la législation des nations précédentes qui sont citées, confirmées dans le Coran et dans la Sunna, est-ce que on peut en tirer les lois? Ça, c'est ce qu'on appelle shara man qablana, la législation des nations, des communautés qui nous ont précédés. Il y a l'urf aussi. L'urf, c'est l'usage commun. C'est ce qui est répandu dans une société, dans un pays. Si par exemple, dans un pays, certains pays, on vend par exemple des bicyclettes sans les pompes de bicyclette. Et la personne qui achète une bicyclette sans la pompe, il n'a pas le droit de la réclamer, puisque le urf, l'usage commun, ils vendent les bicyclettes sans pompe. De même, par exemple, ils vendent des voitures sans roue de secours dans certains pays. La personne ne doit pas la réclamer parce que c'est connu, c'est l'usage commun. Comme par exemple dans les serments, c'est si quelqu'un a juré, par exemple, qu'il va faire telle chose, il jure, par exemple, qu'il ne mangerait pas la viande. Et dans ce pays-là, la viande, c'est valable aussi bien pour la viande bovine, des bêtes de troupeau et la viande des poissons. Donc ça, le orf, il influe, il a une certaine influence. Comme autre source aussi, comme autre dalil qui fait l'objet différent entre les savants, ce qu'on appelle les sahab, la présomption de continuité, à savoir que la loi demeure en vigueur jusqu'à preuve du contraire. Bon, ça, c'est en gros les dalils mukhtalaf alayh, les dalils qui font l'objet de différends entre les savants. Bon, commençons par le premier dalil. Ça, c'est les preuves qui font sur lesquelles les savants sont d'accord, le Coran, la Sunna, comme j'ai dit, le consensus et le raisonnement analogique. Bon, le Coran. Le Coran, il est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ses lettres, huruf, et dans ses significations. Allah a fait descendre le Coran, et il est incréé. Le Coran procède d'Allah, et il retournera à Allah. Là, les usuli parlent les savants des ilm al-usul, des fondements du droit. Ils parlent de ce qui est péremptoire, muhkam, et de ce qui est ambigu dans le Coran, le mutashabih. Il parle du sens propre, haqiqa, et du sens figuré, majaz, du khabar, énoncé qualificatif ou information, et de l'insha, c'est-à-dire le texte sous forme d'injonction ou de question. Il parle de ce qui fait partie du Coran et de ce qui ne fait pas partie du Coran. C'est quoi ce qui fait partie du Coran, ce qui ne fait pas partie du Coran? La basmala, par exemple. La basmala, en tête de chaque verset. Sauf la sourate, le repentir, sourate Bara'a. C'est basmala, c'est bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bon, est-ce que cela fait partie du Coran? Est-ce que cela fait partie de chaque sourate? S'il ne fait pas partie de chaque sourate, est-ce qu'il fait partie de la sourate Al-Fatiha? D'accord? Donc, de même, il parle aussi de comment a été établi le Coran. Bien sûr, par le tawatur, c'est-à-dire par une multiplicité de témoignages concordants qui garantissent à coup sûr sa véracité, le tawatur, Coran, thabit bit tawatur. Donc, tout cela, les savants du usul en parlent. Inch'Allah, dans cette série de durus, je vais parler un peu du péremptoire et de l'ambigu, et je vais parler aussi du sens propre et du sens figuré. La deuxième flèche, la deuxième preuve, c'est la sunna. La deuxième preuve, c'est la sunna. La sunna, ce sont les paroles du professeur sallam, ses actes, ses approbations, ses désapprobations, ses qualités physiques et morales. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, dans le Coran, de suivre la sunna et d'obéir à son envoyé. La sunna explicite le Coran. C'est la deuxième révélation. Allah a dit, nous avons fait descendre sur toi le Coran, afin que tu explicites clairement aux hommes ce qui leur a été révélé. Sourate An-Nahl. Donc, la sunna explicite le Coran. Les usuli parlent là les usuli parlent des actes du prophète sallam, les actes naturels qu'il fait par habitude et les actes qui ont une valeur normative. Comme par exemple lors de son pèlerinage sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait station à Arafat, waqfat Arafa, et a accompli la lapidation, il reflua vers un endroit appelé Al-Muhassab. Cet endroit, Al-Muhassab, c'est entre Mina et la Mecque. Le prophète sallallahu est allé à cet endroit et il s'y installa. Là, les Ossoulis disent, est-ce que cette installation est un rite? Ou bien il a voulu juste se reposer, voulu juste camper pour quelques heures. Est-ce que c'est un rite vraiment du pèlerinage, ou c'est juste un acte ordinaire? Là, Aïcha, par exemple, Ibn Abbas disent que cela ne fait pas partie de la sunna, c'est-à-dire que cette station, cet arrêt du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son campement, Al-Muhassab, n'est pas une sunna. Alors que d'autres, comme Ibn Omar, Abu Huraira radiallahu anhu, disent que c'est un acte d'adoration. Donc les usulis discutent des actes du prophète sallam. Ils ont parlé aussi de la manière selon laquelle a été établie la sunna, à savoir les hadiths rapportés selon des chaînes multiples de rapporteurs, ce qu'on appelle le mutawatir, et les hadiths rapportés selon une, deux ou trois chaînes de rapporteurs, c'est ce qu'on appelle ahad. Ils ont parlé aussi des hadiths dont la chaîne est interrompue, et les hadiths dont la chaîne est continue, le mursal par exemple, où le tabi'i dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sans qu'il passe par un intermédiaire, sans qu'il dit que le compagnon m'a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a des tabi'i, c'est-à-dire la génération qui est venue après, qui n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un dit, un tabi'i dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il l'a dit, mais comment il l'a eu? Il a entendu de qui? Il faut un intermédiaire, un autre transmetteur entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce tabi'i. Les qualités des transmetteurs aussi. Les Ossoli parlent des qualités des transmetteurs, ceux réputés honorables et dignes de foi, et ceux qui méritent d'être récusés. Ils ont parlé aussi de l'abrogation, des preuves de l'abrogation, des conditions de l'abrogation. L'abrogation du Coran par le Coran, l'abrogation de la Sunna par le Coran, de la Sunna par la Sunna et du Coran par la Sunna. Ça, c'est les thèmes de la sunna. Bon, la troisième flèche, troisième dalil, c'est l'ijma', le consensus. L'ijma', c'est quoi? L'ijma', c'est l'accord unanime des mujtahid de la communauté après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un statut légal, sur un hukm. Ah, l'ijma', c'est l'accord unanime des mujtahid, des savants, qui ont la qualité de faire un effort d'initiative personnelle pour déduire les lois, c'est l'accord unanime des mujtahid de la communauté, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur un hukm légal. Donc là, cette définition, elle comporte combien d'éléments? Cinq. Alors le premier, c'est l'accord, ittifaq. On doit exclure la divergence. Si un des Mujtahid diverge d'eux, il n'y a pas d'ijma'. C'est un savant dont l'avis fait le poids, c'est-à-dire qu'il mérite, il est qualifié d'ulchihad, son khilaf est tenu en compte. Si un de ces mujtahid l'a qualifié, il s'oppose aux autres, alors on ne peut pas dire que ce hukm fait l'objet d'ijma'. Alors, pas d'ijma'. Comment c'est qu'il y a ijma'? C'est l'istiqra, la méthode pour savoir qu'il y a unanimité des savants sur un statut. C'est ce qu'on appelle, il faut utiliser ce qu'on appelle l'istiqra, l'examen minutieux des textes, un grand travail des textes pour voir chaque savant qu'est-ce qu'il dit sur tel statut. Puis on réunit tout ça, on dit voilà, on en conclut qu'il y a ijma' ou il n'y a pas d'ijma'. Alors l'accord, ça c'est le premier élément de la définition. Bon, là on fait sortir, on extrait de cette définition ces éléments-là. L'accord, deuxième, des mujtahid. Le mujtahid, cela exclut les gens des communs. C'est bon? C'est-à-dire les muqallidin, les gens qui imitent les savants, ou les gens du commun. L'accord des gens du commun n'a pas de valeur, n'a aucune valeur. C'est bon? De la communauté. L'accord unanime entre les mujtahids de la communauté, donc là on exclut les autres communautés. L'ijma' des autres communautés n'est pas pris en considération. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bon, la définition c'est quoi? Je la répète. L'ijma' c'est l'accord unanime des mujtahids de la communauté après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un hukm, sur un statut juridique. C'est bon? Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accord des compagnons, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas un ijma'. Quand un compagnon dit, nous faisions cela du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou il faisait cela, ce n'est pas un ijma', mais c'est une sunna qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hukm al-marfou', c'est une sunna. Parce que l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'époque de la révélation. D'accord? Sur un hukm juridique, sur un hukm, on exclut le raccord sur quelque chose qui n'a pas de qualification juridique. Par exemple, tout le monde est d'accord sur le fait que le soleil se lève de l'Orient, ou tout le monde est d'accord que 1 plus 1 égale à 2. Est-ce que c'est un ijma? Non. C'est pas un ijma, ça ne rentre pas dans la terminologie des hauts soleils. Parce que l'accord doit se faire sur un hukm, un statut juridique. La preuve de la validité de l'ijma, dalil, ou de la fiabilité de l'ijma, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui rompt avec l'envoyé, après que la bonne direction lui fut clairement apparue, et qui se met à suivre une autre voie que celle des croyants, nous l'abandonnerons à son choix, et nous le faisons brûler dans la géhenne. Quant à celui qui rompt, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت سبيلا. Donc celui qui suit une autre voie que celle des croyants, mais des croyants, si c'est des savants, nous l'abandonnerons à son choix et nous le faisons brûler dans la gêne. Ça, c'est un dalil, c'est une preuve de la fiabilité de l'ijma. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres preuves dans le Coran. La preuve, par exemple, dans la Sunna, c'est hein, la tajtami'u ummati ala dalal, ma nation ne saurait tomber d'accord sur une erreur. La nation, la communauté du prophète, les savants ne sauraient, ne se rassemblent jamais sur l'erreur. Bon, ijma'. Donc, l'ijma', vous mettez deux flèches. La première flèche, vous écrivez eu égard à sa nature. Et la deuxième flèche, vous écrivez eu égard à sa force. On va le définir comme ça. On va le classifier de cette manière. Eu égard à sa nature, on mettra deux flèches. Le premier, l'ijma' par la parole. La parole. Les propos des savants convergent, par exemple, vers un hukm. C'est qu'ils disent tous sur un cas, ceci est interdit, ou ceci est licite, ou illicite. Là, c'est l'ijma' par la parole, s'ils le disent directement. Il y a aussi l'ijma' sous forme de ratification silencieuse. C'est ce que les savants des Ossol l'appellent l'ijma' as-sukuti. C'est lorsque certains savants soutiennent un avis juridique et que les autres ne le désapprouvent pas. Cet ijma', bon, c'est quand certains disent que telle chose, voilà, ils donnent le hukm, il est illicite, ou etc. Et que les autres ne disent rien là-dessus. On appelle ça l'ijma' sukuti. C'est l'ijma' sous forme de ratification silencieuse. Cet ijma' est contestable, bien sûr, il est contestable par certains savants. Bon. Mais normalement, bon, l'ijma', ce qu'on peut dire sur cet ijma', c'est qu'il exige l'examen du contexte et d'autres preuves pour savoir si vraiment leur silence est approbatif ou improbatif. Cet ijma' est donc conjectural, objet de présomption. C'est-à-dire que le mujtahid y arrive par voie de forte présomption et de prévalence, c'est ce qu'on appelle tarjih. Alors la deuxième flèche, c'est, nous avons dit, eu égard à sa force. Eu égard à sa force, bon, on met là deux flèches. Il y a l'ijma catégorique, c'est-à-dire l'ijma catégorique, c'est normalement c'est l'ijma par la parole. Et l'ijma conjectural, zanni, ça c'est les deux sortes d'ijma eu égard à la force du consensus. Bon, les Ossoli parlent d'ijma' des compagnons, des quatre califes, des quatre imams des madhhab. L'ijma' vraiment est un argument probant, c'est une hujja. Bon, certains savants aussi parlent de l'ijma' des gens de Médine aussi. Bon, on rapporte que l'imam Ahmed a dit, quiconque prétend que les savants sont unanimes sur un hukm est un menteur. Il a dit, qu'en sait-il? Peut-être qu'un désaccord existe entre les savants et qu'il ne le sait pas. Puis il a ajouté, il a dit, c'est Bishr al-Marisi et al-Assam qui prétendent ce genre de choses. Qu'ils disent plutôt, je n'ai pas appris que les gens sont en désaccord sur un tel ou tel hukm. Cela ne peut pas, cela bien sûr, ce qu'a dit l'imam Ahmed, ne veut pas dire qu'il nie l'ijma', mais il appelle à faire attention de prétendre l'ijma' sans un examen minutieux et sans recherche. Il faut bien comprendre ce que dit un savant. Bon, c'est ce qu'on appelle tahrir al-qawl, c'est-à-dire il faut vraiment, faut vraiment lire tout ce que dit le savant et comprendre ce qu'il veut dire et chercher d'autres textes du même savant à propos d'un même sujet pour pouvoir en tirer son hukm, en tirer son avis. L'ijma' n'est jamais contraire à un texte, bien sûr, un texte révélé, et l'ijma' n'abroge pas un texte, n'est-ce pas? L'ijma' peut rendre une preuve de la sunna, qui est conjecturale, il peut la rendre catégorique. Donc, l'ijma' donne de la force à l'argument. Alors, quatrième flèche, quatrième dalil. Le qiyas. Qiyas, c'est le raisonnement par analogie. Alors, le qiyas, définition, si on veut le définir, c'est cette opération de l'esprit qui permet d'appliquer au cas d'application fara la même qualification juridique qu'un cas de base bien défini par le fait que dans les deux se trouve le principe de motivation qu'on appelle illa, le principe de motivation de cette qualification juridique. Je vais expliquer, ne soyez pas impatients. Bon, c'est cette opération de l'esprit qui permet d'appliquer au cas d'application fara la même qualification qu'un cas de base bien défini par le fait que dans les deux se trouve le principe de motivation qui s'appelle illa, principe de motivation de cette qualification juridique. Alors, il ressort de cette définition que le qiyas a quatre piliers. Ouais. Vous mettez qiyas, puis flèche. Définition, bon... De cette définition se ramifient quatre flèches. Le premier pilier, c'est le cas de base. Le cas de base, on appelle ça l'asl. C'est le cas de base dont la qualification juridique est bien définie. Je vais illustrer ça par des exemples. Soyez patients. Le deuxième pilier, c'est le cas d'espèce. C'est-à-dire le cas dérivé, cas d'application au fara', dont je ne connais pas la qualification juridique. J'ai un asl, j'ai un fara'. Et puis la troisième flèche, troisième pilier, la qualification du cas de base. J'ai le hukm du cas de base. Et le quatrième pilier, c'est le point commun entre le cas de base et le cas nouveau, le cas d'espèce. À savoir, l'argument qui motive ce rattachement du cas d'application au cas de base. C'est ce qu'on appelle l'illa. Alors l'exemple qui illustre cette définition, l'exemple du khamar, le vin. Le khamar, normalement, chez les Arabes, le khamar, c'est le vin qui est extrait de la fermentation du jus de raisin. C'est ça le khamar chez les Arabes. Bon, le khamar, le cas de base, le vin, bien défini. Alors, j'ai un cas d'espèce. J'ai par exemple un cas nouveau, le nabid. J'ai un liquide qui est tiré de la fermentation des dattes. C'est ce qu'ils appellent nabid. Un liquide qui est tiré de la fermentation des dattes. La qualification juridique du cas de base est l'interdiction, tahrim. Bon, le cas de base, c'est le vin tiré de la fermentation du raisin. Ça, son statut, on le connaît. Son hukm, on le connaît. Il est haram. Il est illicite, c'est clair. Son interdiction, elle est claire dans le Coran. Le motif de l'interdiction, l'illa, quel est le motif de cette interdiction? C'est l'enivrement. C'est qu'il rend ivre, n'est-ce pas? Donc, au nom de ce motif commun, le nabid, qui est un liquide tiré 2. La fermentation des dattes est aussi frappée d'interdiction. Par qiyas, par analogie au cas de base, par qiyas au khamar, le vin qui est tiré de la fermentation du raisin. Alors, un autre exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le juge ne doit pas trancher dans un litige opposant deux hommes quand il est sous l'empire de la colère. C'est un hadith apporté par l'imam Bukhari. D'accord? Le juge ne doit pas trancher dans un litige opposant deux hommes alors qu'il est sous l'empire de la colère. Le cas de base, bon, ce hadith-là. La qualification de ce hadith, la qualification juridique déduite de ce hadith, c'est l'interdiction de rendre une décision, n'est-ce pas? Le motif, c'est quoi? Le motif, c'est l'état de colère. D'accord? Le motif, c'est que l'état de colère peut fausser le jugement du juge, peut perturber son esprit et fausser son jugement. Ça, c'est le principe explicatif. C'est l'illah. C'est bon? Donc, par qiyas à ce hadith, par analogie à ce hadith, nous allons dire que le juge qui est très épuisé, lui aussi ne doit pas trancher. Il est très très épuisé. Lui aussi ne doit pas trancher. Donc ça, c'est le fara. C'est le cas d'espèce, le cas nouveau dont nous cherchons le hukm. Mais le hadith, nous avons un hadith qui interdit au juge qui est sous l'empire de la colère de trancher, et nous avons un juge qui est sous, par exemple, qui est très épuisé. Nous pouvons appliquer sur lui ce hadith-là. On va lui dire, tu n'as pas le droit de trancher parce que tu es très épuisé par analogie à la colère. Puisque le illa du hukm, le principe explicatif du hukm, c'est quoi? C'est que l'état de colère va perturber le jugement, va le fausser, et aussi l'épuisement va aussi perturber le jugement. Et aussi quelqu'un, par exemple, le juge qui a un besoin pressant d'aller faire ses besoins, par exemple, lui aussi n'a pas le droit de trancher. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'illah. C'est bon? Alors, les preuves. Les preuves de Dalil de la fiabilité du qiyas. Quelles sont les preuves? Quel est le dalil que nous avons dans le Coran, dans la Sunna, que le qiyas est fiable et il sert que nous l'utilisons pour déduire les ahkam. Bon, les preuves, il y a beaucoup, comme par exemple la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ces signes, il y a que tu vois la terre sèche et immobile. Puis aussitôt que nous faisons descendre l'eau sur elle, elle se soulève et augmente de volume. Assurément, celui qui l'a fait revivre les morts. Il est omnipotent. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Alors le principe ici, l'asl, c'est le pouvoir de rendre la vie à la terre. Inna ala kulli shay'in qadir. La conclusion, le fara, le cas d'espèce, c'est le pouvoir de rendre la vie aux morts. Le motif, c'est son omnipotence. C'est le pouvoir d'Allah. C'est son omnipotence. C'est bon? Donc, Allah, il parle. Il a dit, voilà, la terre, elle est calme, il ne bouge pas, puis tout d'un coup, la pluie tombe sur elle et se soulève. Il dit, celui qui a agi sur elle, qui peut aussi faire revivre les morts. Donc ça, c'est une analogie. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de nos parents, ne va pas leur dire ouf, ni les gronder. Tiens-leur des propos respectueux dans sourate Isra. Wala taqul lahuma ouf wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ne va pas leur dire ouf. S'il nous interdit de dire ouf à nos parents, qu'est-ce que nous en déduisons? Hein? Que nous ne devons pas les frapper. Hein? Quelqu'un ne va pas dire, ah moi, je n'aurais pas dit ouf, mais je les ai seulement frappés. Il n'a pas le droit. Donc, ça aussi, c'est un dalil du raisonnement analogique. Alors, nous avons donné la définition, nous avons donné ses preuves. Et là, vous mettez une troisième flèche. Vous mettez une troisième flèche, c'est eu égard à sa force. On distingue là deux sortes de qiyas. On distingue deux sortes. Mais avant, on va donner d'autres exemples, comme ça, on va pour bien expliquer, pour donner aussi la preuve que les même les compagnons utilisaient le qiyas. Comme par exemple dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la femme qui voulait faire le pèlerinage au nom de son père, vu qu'il est très vieux, il ne peut pas tenir sur une monture, il lui dit sallallahu alayhi wa sallam, si ton père laisse des dettes, les paieras-tu à sa place? Et il a dit, la femme a dit bien sûr, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, a fortiori, la dette qu'on a envers Allah doit être acquittée. Là, c'est un raisonnement aussi analogique. C'est le qiyas. De même, il a fait le qiyas, sallallahu alayhi wa sallam, entre le baiser pendant le jeûne et la madmada, le rinçage de la bouche. Comme le hadith rapporté par Abu Daoud, où Omar ibn al-Khattab, il a dit, j'ai faibli et j'ai embrassé ma femme pendant que j'étais en état de jeûne. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, vois-tu, si tu t'es rincé la bouche pendant que tu jeûnais, y a un problème? Il a dit non. Il a dit c'est la même chose. Vu que le fait d'embrasser sa femme, ça peut entraîner la rupture du jeûne. Et la madmada, ça peut entraîner aussi la rupture du jeûne. Ça, c'est l'illa. Et l'asl, c'est la madmada pour le jeûneur, le rinçage de la bouche. Et le cas d'espèce, c'est le fait d'embrasser sa femme. Donc, bien sûr, le qiyas obéit à des conditions et des critères stricts. Le qiyas n'a pas été loué dans le Coran, il n'a pas été blâmé non plus. Donc, il faut faire attention dans son utilisation. Il y a le qiyas valide et le qiyas invalide. Le qiyas qui est invalide, comme celui des théologiens du kalam, ils utilisent une sorte de qiyas qu'ils appellent le qiyas al-mantiqi. Le qiyas logique. Comme exemple du qiyas blâmable, c'est la parole des mécréants. La parole des mécréants, innama al-bay'u mithlu ar-riba. Les mécréants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comme Allah le dit dans le Coran, dans Surat al-Baqara, la vente est semblable à l'usure. Ils disent la vente c'est une transaction et l'usure c'est une transaction, donc il n'y a pas de problème. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a répliqué, or Allah a déclaré la vente licite et il a déclaré l'usure illicite. Comme qiyas aussi blâmable, le qiyas de Iblis. Iblis, qu'est-ce qu'il a dit? La vente est semblable, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu, à propos de Adam alayhi salam, quand il a refusé de se prosterner devant lui, il a dit, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Il a raisonné. Il a utilisé le raisonnement par analogie, mais c'est un raisonnement qui ne tient pas. Quand il y a un texte clair, il faut chercher. Ça, il faut chercher. Il faut toujours, s'il y a un texte clair, c'est bon, sur un hukm. S'il n'y a pas de texte clair, on peut recourir, au qiyas. Et Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, avant, il fixait pour chaque doigt, c'est-à-dire pour chaque doigt ayant subi une ablation, si quelqu'un a coupé le doigt d'un autre, il a fixé une dia, c'est ce qu'on appelle l'indemnité. Et cette indemnité, elle est proportionnelle à l'utilité de ce doigt. Lui, il a raisonné comme ça, radiallahu ta'ala anhu. Il a dit, bon, il a fixé par exemple l'indemnité du pouce, il est évalué à 15 chameaux, puisque le pouce c'est un doigt qui a beaucoup d'utilité. L'index, il est moins de 15 chameaux, ainsi de suite jusqu'à l'auriculaire. Il a usé quoi? Du qiyas. D'accord? Il a proportionné la dîya, l'indemnité par rapport à l'utilité, en fonction de l'utilité de chaque doigt. Mais quand on lui apporta un document qui était chez la famille de Amr ibn Hazm, dans lequel il était écrit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith qui est rapporté par Shafi'i dans sa fameuse risala, et aussi dans le Musannaf de Abd al-Razzaq, et il est rapporté aussi par l'imam al-Bayhaqi. Et il lui est parvenu, radiallahu anhu, le livre, un document d'Amr ibn Hazm, de la famille d'Amr ibn Hazm, dans lequel il décrit que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fixé pour chaque doigt 10 chameaux. Et là, Omar radiallahu anhu, il revint sur son jugement. Quand il y a un texte, ça y est, on n'a plus le droit de recourir au qiyas. Et comme a dit d'ailleurs Shafi'i, il a dit, chef, on utilise le qiyas qu'en cas de nécessité. Alors, la classification. la classification du qiyas, bon, eu égard à sa force, on distingue deux sortes de qiyas. Il y a le qiyas clair, c'est le qiyas dont le principe explicatif est établi en vertu d'un texte ou d'un consensus. Il y a le qiyas subtil, où le principe de motivation est déduit par l'esprit. Et vous mettez aussi deuxième flèche, eu égard à l'établissement ou à la négation de la qualification juridique. Et là, on distingue deux sortes de qiyas. Il y a le qiyas par enchaînement extensif, l'exemple par exemple du vin. Et aussi, il y a d'autres, un autre exemple, celui où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Le meurtrier n'hérite pas de sa victime ». Ce hadith prouve que l'auteur de l'homicide n'hérite pas de sa victime, quand bien sûr l'homicide est justifié. Vous savez, le meurtre est une cause d'éviction de la succession. Donc, par enchaînement extensif, si le légateur tue son testateur, il n'acquiert pas la propriété du bien qui lui a légué. Donc, par analogie. Si l'auteur de l'homicide n'hérite pas de sa victime, aussi le légataire qui tue son testateur n'acquiert pas la propriété du bien qui lui a légué. C'est bon? Il y a aussi le qiyas à contrario, par inversion. Ça aussi, ça rentre dans la classification de qiyas. Bon, nous avons dit que, eu égard à sa force, nous avons cité le qiyas subtil, le qiyas par enchaînement extensif et le qiyas a contrario. Le qiyas a contrario, c'est comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit et l'accomplissement de l'acte de chair avec son épouse est aussi une aumône. Et les compagnons s'exclamèrent et lui dit envoyé d'Allah, l'un d'entre nous obtiendrait-il une récompense pour avoir satisfait ses désirs sexuels? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, s'il les avait satisfait de manière illicite, ne lui aurait-on pas compté un péché? De même, celui qui les satisferait de manière licite en obtient une récompense. Ça, on l'appelle ça qiyas lax. Eu égard à sa validité ou à sa nullité, là, on distingue trois sortes de qiyas. Il y a le qiyas valide, bon, nous avons parlé. Le qiyas vicié, qiyas al-fasid, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, le qiyas de ceux qui ont dit « la vente est semblable à l'usure ». Et le qiyas d'Iblis qui a dit « Allah subhanahu wa ta'ala, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile ». Ça, c'est un qiyas vicié. Et Ibn Hazm, rahimahullah, il réfute le qiyas à cause de sa mauvaise utilisation, justement. Troisième sorte de qiyas, eu égard bien sûr à sa validité ou à sa nullité, c'est le qiyas qu'on appelle qiyas shabah, le qiyas de similitude. Un avis de ressemblance. Ce qiyas, bon, il oscille entre le qiyas valide et le qiyas vicié. D'accord? Il y a d'autres classifications de façon de. Il y a d'autres classifications du qiyas. Passons maintenant au troisième axe. Alors, c'est la manière. Le deuxième axe, c'est l'épreuve, bien sûr. La troisième axe, c'est la manière de déduire le hukm du texte. La manière de déduire la qualification juridique du texte. Alors, la parole, le texte, désigne un concept ou une disposition légale. Soit, première flèche, par sa formulation et son mode grammatical. Comment un texte, un verset du Coran, un hadith, désigne un hukm? Il le désigne soit par sa formulation et son mode grammatical. Exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat ». Là, c'est une formulation de l'ordre. C'est une forme impérative qui implique l'obligation. D'accord? La parole aussi désigne le hukm soit par son sens implicite. Et là, on distingue le sens implicite a fortiori, mafhoum, ce qu'on appelle mafhoum al-muwafaqa ou fahwa al-khitab. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans surat al-Isra, wa la taqul lahuma uffin, ne leur dit pas ouf, à plus forte raison, il est interdit de les insulter, bien sûr, et de les frapper. Là, on étend cette disposition légale, c'est-à-dire l'interdiction de dire ouf à ses parents, à un autre cas qui est les insultes ou le fait de les frapper. C'est une Bien sûr, ça c'est une formulation du qiyas manifeste. Et troisièmement, c'est, oui, je dis, soit par son sens implicite, et là on distingue le sens implicite a fortiori, c'est mafhoum, direct, mafhoum muwafaqa, ne leur dis pas ouf, donc, à plus forte raison, ne les frappe pas. Le sens implicite a contrario, c'est ce qu'on appelle mafhoum al-mukhalafa, ou dalil al-khitab. Là, à l'inverse du précédent, nous avons un texte dont la disposition légale est prévue pour un cas déterminé. En utilisant ce raisonnement, on déduit que sa disposition légale ne s'applique pas à un cas différent. Exemple. Le professeur Salam, il a dit, la zakat est exigible pour les troupeaux. Le sens implicite, a contrario de ce hadith, implique, bon, la zakat, la zakat est exigible pour les troupeaux qu'on promène au pâturage. Voilà le hadith. La zakat est exigible pour les troupeaux qu'on mène au pâturage. Le sens implicite, le sens implicite, à contrario de ce hadith, implique que pour les bêtes qui sont nourries à l'écurie, la zakat n'est pas exigible. On en déduit cela. C'est ce qu'on appelle mafhoum al-mukhalafa. C'est bon? Bien sûr, cela obéit à des critères. On ne doit pas user de ces raisonnements que si on connaît les critères. Il faut connaître la manière de les utiliser. Ce que je suis en train de faire, c'est juste une introduction au usul fiqh. Et à cause de leur ignorance des usul fiqh, certains pseudo-savants et certains prétentieux, émettent des fatwas bizarres. Et certains détracteurs de l'islam, ils avancent des objections spécieuses à cause de leur utilisation, de leur mauvaise utilisation des osolfer, ou à cause aussi de leur ignorance des osolfer. Un des écrivains, par exemple, il a écrit un livre. Un exemple, il faut le dire. Le titre de ce livre affiche déjà la couleur. Il a appelé ce livre Tadhkir al-Ashab bi-Tahrim al-Niqab. Il a appelé ce livre Le rappel des amis de l'interdiction du port du niqab. Le niqab, c'est le voile sur le visage. C'est vrai qu'il y a divergence entre les savants sur le port du niqab, mais le khilaf porte sur l'obligation ou la recommandation. Est-ce qu'il est obligatoire ou est-ce qu'il est seulement recommandé de porter le niqab? Est-ce qu'il est obligatoire ou non? Mais de là à dire que le port du niqab est haram carrément, est illicite, ça c'est du relou, c'est de l'extrémisme. Personnellement, moi, je pense que le niqab n'est pas obligatoire, mais je respecte le khilaf. Mais quand cet écrivain, les gens l'ont critiqué, il a édité le deuxième livre et a dit, dans sa deuxième édition de son livre, il a voulu répondre à eux et à ceux qui ont argué du hadith, la femme sacralisée ne portera pas de voile sur son visage et ne portera pas de gants. Il a voulu répondre à ces gens-là. Parce que bon, le hadith, ce hadith-là, il est clair. Il dit, la tantaqibu al-mar'atu al-muhrima wa la talbisu al-quffazayn. La femme sacralisée ne portera pas de voile sur son visage et ne portera pas de gants. Donc, a fortiori, c'est-à-dire par le raisonnement que nous avons utilisé, que là, en dehors de l'état de sacralisation, est là le droit de porter des voiles, le voile sur son visage, et portera aussi les gants. Donc, pour prouver la légitimité de porter le niqab, parce que comme j'ai dit, d'après son sens implicite, à contrario, la femme qui n'est pas en état d'ihram peut porter le niqab et les gants. C'est ce qu'on appelle, bien sûr, mafhoum al-mukhalafa. Inch'Allah, la suite de cet exemple dans le dars prochain, bi'idhnillah.